merde, putain. Ah merde, j'arrive plus à le faire. Bref, voilà quoi. Ce que tu m'as pas dit, je préférais ta période guitare et chant. Ouais, je sais bien. J'aime bien le synthé aussi.